إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours 42 dans l'explication du livre Amdatul Ahkam de Cheikh Abdullah Al-Bassam qui s'intitule Taysir Al-Aziz Al-Allam ou Taysir Al-Allam fi Sharh Amdatul Ahkam. C'est ça, Taysir Al-Allam. On est arrivé au hadith numéro 82. Yani al-hadith al-thani wa al-thamanoun. Et aujourd'hui c'est le cours 42. Donc le hadith qu'on va lire maintenant c'est عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين رواه البخاري ومسلم. Donc c'est un hadith rapporté par عبد الله بن عباس رضي الله عنهما dans lequel il explique que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « J'ai été ordonné de me prosterner sur sept membres. » Et il a dit le front et en même temps il a indiqué le nez avec sa main. C'est-à-dire le front et le nez ça forme un. Hein? Le front et le nez ça forme un. Ensuite il a dit les deux mains, les deux genoux et le bout des deux pieds. Donc tout ça en tout ça fait 7. Le front et le nez ça fait 1, les deux mains, les deux genoux et les bouts des pieds. Les deux pieds ça fait 7. Al-ma'na al-ijmali. Amara Allah ta'ala nabiyahu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam an yasjuda lahu ala sab'ati a'dha' wa hiya ashrafu a'dha' al-badan وأفضلها الأول منها الجبهة مع الأنف والثاني والثالث اليدين يباشر الأرض منهما بطونهما والرابع والخامس الركبتان والسادس والسابع أطراف القدمين موجها أصابعهما نحو القبلة وأمره صلى الله وأمره صلى الله عليه وسلم أمر لأمته لأنه تشريع عام. Donc le sens général de ce hadith c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم de se prosterner sur sept membres de son corps et c'est les membres les plus nobles du corps et les meilleurs. Le premier de ces membres c'est le front avec le nez. Le front avec le nez. Le deuxième et le troisième, c'est les deux mains et la paume des deux mains sur le sol. La paume des deux mains étant collée sur le sol. Le quatrième et le cinquième membre, c'est les deux genoux. Et le sixième et le septième, le bout des deux pieds. Yani en orientant les orteils vers la Qibla, en orientant les orteils en direction de la Qibla. Et l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala à son prophète, c'est un ordre pour sa Ummah. L'ordre l'ordre qui est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un ordre général pour la Ummah en entier, car c'est une législation générale. Ensuite, le cheikh il dit اختلاف العلماء أجمع العلماء على مشروعية السجود على هذه الأعضاء السبعة واختلفوا في الواجب منها والذي يدل عليه هذا الحديث الصحيح أن السجود واجب عليها كلها وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله ويرى بعض العلماء أن الواجب الجبهة والباقي مستحب ويرى أبو حنيفة أن الأنف يجزئ عن الجبهة والصحيح القول الأول. Donc le cheikh il explique par rapport à cette question les divergences des ulama. Il dit que les ulama sont d'accord sur le fait qu'il est légiféré de se prosterner sur ses sept membres. Donc ils sont tous d'accord sur le fait que il est ordonné et légiféré de se prosterner sur ses sept membres. Toutefois, il diverge par rapport à ces sept membres, lesquels sont obligatoires. Et ce qui est indiqué par le hadith authentique, c'est que le fait de se prosterner sur les sept membres est une chose obligatoire de façon générale. C'est-à-dire les sept au complet sont, c'est une obligation de se prosterner sur les sept. Ça c'est la position qui est la plus connue du madhhab de l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Toutefois, certains parmi les ulama considèrent que c'est le front qui est obligatoire seulement et que le reste des membres c'est uniquement recommandé. Et Abu Hanifa, l'imam Abu Hanifa, il considère que si on se prosterne sur le nez, que ça compense pour le front. Si quelqu'un se prosterne, met son nez sur le sol, donc ça, il considère que ça compense pour le front. Il dit que la position correcte, toutefois, c'est la première, c'est-à-dire c'est la position de l'imam Ahmad, que tous les sept membres sont une obligation. Ensuite, le cheikh il explique, il dit que, il dit, ما يؤخذ من الحديث, ما يؤخذ من الحديث, يعني من أحكام. أولا وجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة جميعها وهو مذهب الإمام أحمد والوجوب مأخوذ من الأمر وفي السجود على هذه الأعضاء أداء لوجوب السجود وتعظيم لله تعالى وإظهار للذل والمسكنة بين يديه. Donc le premier point qu'on peut tirer de ce hadith là c'est que c'est une obligation de se prosterner sur ses sept membres, c'est-à-dire chacun de ces sept, et ça c'est la position de l'imam Ahmad. Et l'obligation en question est tirée de l'ordre qui est mentionné dans le hadith, et ça c'est un principe dans la sharia, que al-amru yaqtadi al-wujub, al-amru yaqtadi al-wujub, c'est-à-dire l'ordre, hein, l'impératif, et ben ça implique l'obligation, ça implique l'obligation. Et la prosternation sur ses membres, yani fi sujud ala hadhihi al-a'dha ada'un li wajib as-sujud. Donc si tu t'es prosterné sur ces sept membres, alors tu as fait ce qui est obligatoire, et ça c'est par respect pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour montrer ton humilité et le fait que tu as besoin, tu es indigent, tu as besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu te rabaisses devant lui, hein, pour montrer ton besoin de lui et ton humilité. Le point numéro 2, أن الأنف تابع للجبهة وهو متمم للسجود وعليه فلا تكفي بدونه. Donc il explique le cheikh que le nez il suit le front dans la prosternation et que ça vient compléter la prosternation. Ça vient compléter la prosternation et que c'est pas suffisant donc de se prosterner sur le front sans mettre le nez par terre. نعم. Et le cheikh il dit ensuite wa fa'idatan. الأولى أنه لا بأس بالسجود على حائل سوى أعضاء السجود فإنه يحرم أن يضع جبهته على يديه أثناء ذلك لأن يديه لأن يديه من الأعضاء المتصلة بالسجود، ويكره السجود على ما اتصل به من ثوب وعمامة إلا مع حاجة كالحر والبرد والشوك وخشونة الأرض، فلا يكره حينئذ، ولا يكره السجود أيضا على حائل غير متصل به كالسجادة ونحوها. Donc les deux points que le cheikh mentionne parmi les points bénéfiques à ce sujet-là, c'est que il n'y a pas de mal de se prosterner sur quelque chose qui est entre la terre et ses sept membres. Bien entendu, excepté si cette chose en question est un des membres en question, comme par exemple, c'est pas permis de se prosterner sur sa main, hein, de mettre sa main sur le sol puis de se prosterner dessus, parce que la main elle-même fait partie des membres qui doivent être par terre pour que la prosternation soit accomplie correctement. Et de même qu'il est détestable de se prosterner sur quelque chose comme un vêtement que tu portes pendant que tu te prosternes, excepté s'il y a un besoin pour le faire. Par exemple, il fait très chaud et que le sol est brûlant, ou bien qu'il y a des choses qui sont piquantes sur le sol, des choses piquantes, ou bien un sol qui est très rude, très dur. Dans ce cas-là, c'est pas détestable de le faire, mais toutefois, en dehors de ça, en principe, tu dois pas te prosterner. Il doit pas y avoir quelque chose entre ta peau et le sol, hein, comme ton chapeau, ton turban ou quelque chose comme ça. Et le cheikh il explique aussi que, donc c'est ça, si tu te prosternes sur un tapis ou quelque chose comme ça, ça c'est pas un problème. Le deuxième point, الثانية يضع أعضاء سجوده بالترتيب الذي كان صلى الله عليه وسلم يفعله وهو أن يضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه ولا يبرك كما يبرك البعير بحيث يقدم يديه قبل ركبتيه فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك. Donc le deuxième point, il explique que tu dois mettre les membres de prosternation en ordre lorsque tu te prosternes, et il dit que ça c'est comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il mentionne le fait de mettre les genoux sur le sol avant de mettre les mains, puis ensuite de mettre le front et le nez. On sait que à ce sujet-là, il y a divergence entre les ulama. Certains ulama considèrent qu'il faut mettre les mains en premier et ensuite les genoux, et d'autres considèrent qu'il faut mettre les genoux en premier puis ensuite les mains. Et comme le cheikh Abdul Mahsin Al-Abbad l'a expliqué dans le charh de Adab Al-Mashi ila Salat, que les deux sont permis. Les deux sont permis. Si tu veux mettre tes genoux en premier, tu peux. Si tu veux mettre tes mains en premier, tu peux. Et il n'y a pas de problème entre ces deux questions-là, comme Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah l'a mentionné, le Cheikh l'a cité, cette parole-là de Cheikh Al-Islam. Et en ce qui concerne le hadith qui dit « ne te prosterne pas comme ça soit le chameau », en fait, les ulama, on voit que chacun il a sa façon d'expliquer ou de comprendre comment il faut être différent du chameau. Certains considèrent que d'être différent du chameau, c'est justement de se prosterner sur les genoux en premier, et d'autres considèrent que d'être différent du chameau, c'est justement de se prosterner sur les mains. Donc, comme on a dit, c'est une divergence dans la compréhension. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, c'est une divergence dans la compréhension, et donc il n'y a pas un problème dans cette question-là. Si quelqu'un fait l'un ou l'autre, c'est correct. الشيخ يجي ensuite والحديث الثالث والثمانون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس رواه البخاري ومسلم. نعم. Donc le hadith numéro 83 c'est le hadith qui est rapporté par Abu Huraira, ou selon Abu Huraira radiyallahu anhu, par al-Bukhari muslim. Et dans ce hadith-là, il mentionne le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait la salat, il se levait pour la salat, il faisait le takbir lorsqu'il était debout. Puis, il faisait le takbir lorsqu'il s'inclinait pendant le recours. Puis, il disait « Sami Allahu liman hamida » en se relevant. Hein, en relevant sa colonne droite, hein, en se relevant du rukou. Puis, une fois qu'il était debout, il disait « Rabbana wa lakal hamd ». Une fois qu'il était debout, il disait « Rabbana wa lakal hamd ». Puis, il faisait le takbir en descendant pour se prosterner. C'est-à-dire qu'en se prosternant, il faisait le takbir. On voit que dans le hadith, il y a la mention du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre un mouvement d'une position à l'autre, il faisait le takbir en même temps qu'il faisait le mouvement. Hina yarfa'u ra'sahu, thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu. Il faisait le takbir lorsqu'il relevait sa tête. Wa thumma yukabbiru hina yasjud. Puis il faisait le takbir lorsqu'il se prosternait. Puis il faisait le takbir en relevant sa tête encore une fois. Puis il faisait cela dans toute sa prière jusqu'à ce qu'il termine. Et il faisait le takbir aussi après s'être assis pour le tashahud. Hein, quand il se relève pour le tashahud, il fait le takbir en se relevant. Donc tout ça c'est qu'est-ce qui est expliqué dans ce hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Selon Abi Huraira. Al-Hadith al-Rabi' wa al-Thamanoun. عن مطرف ابن عبد الله ابن الشخير قال صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي ابن أبي طالب رضي الله عنه فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاة أخذ بيدي أو أخذ بيدي عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم. Donc ici c'est un hadith qui est rapporté par Mutarrif ibn Abdullah ibn Shikhir. Et il dit dans ce hadith que il a fait la salat lui ainsi que Imran ibn Hussein, et il priait derrière Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, et lorsqu'il faisait le sujoud, il faisait le takbir, lorsqu'il relevait sa tête il faisait le takbir, il dit Allahu Akbar, lorsqu'il se relève après avoir fait rak'atayn, il faisait le takbir, et lorsqu'il a terminé sa salat, il s'est tourné vers moi, hein, ou bien il a pris mes mains, et ou bien plutôt il a pris les deux mains de Imran ibn Hussein, et il a dit cette prière, hein, donc Imran ibn Hussein a pris mes mains et il m'a dit cette prière que Ali a fait. Il m'a rappelé la façon dont priait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, c'est comme si dans sa façon de prier, j'ai reconnu la façon dont priait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Al-ma'na al-ijmali. Fi hadhain al-hadithain al-sharifain bayanu shi'ar al-salah. Wa huwa ithbatu al-kibriya lillahi subhanahu wa ta'ala wal-azama. فما جعل هذا شعارها وسمتها إلا لأنها شرعت لتعظيم الله وتمجيده. Donc le cheikh dit que dans ces deux hadiths qu'on a lus, il y a l'explication des choses les plus importantes dans la salat, c'est-à-dire d'établir et d'affirmer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu dis Allahu Akbar, hein, ça c'est pour montrer la grandeur d'Allah et le respect d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un des signes les plus importants parmi les signes de la salat, parce que la salat, elle a été établie justement pour exalter Allah subhanahu wa ta'ala et pour le glorifier. فحين يدخل فيها يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف معتدل القامة وبعد أن يفرغ من القراءة يهوي للركوع يكبر فإذا رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده واستتم قائما حمد الله وأثنى عليه حيث عاد إلى أفضل الهيئات وهو القيام ثم يكبر في هويه إلى السجود ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يفرغ منها وإذا قام من التشهد الأول في الصلاة ذات التشهدين كبر في حال قيامه. Donc le cheikh il explique ensuite que lorsque la personne elle rentre dans la salat, elle fait takbiratul ihram, le premier takbir, elle dit Allahu Akbar alors qu'elle est debout. Puis après avoir récité Al-Fatiha et l'autre surah, elle descend pour le ruku', elle se penche pour le ruku' en faisant le takbir. Hein? Dans chaque hadith qu'on a lu, le hadith précédent, la semaine passée, on a parlé de lever les mains et à quel moment on doit lever les mains, et le cheikh il a expliqué qu'on lève les mains dans quatre moments, hein. Et ces quatre moments, c'est lorsque on fait le premier takbir, et lorsqu'on on se penche pour faire le recours, et lorsqu'on se relève pour le recours, et après le premier tashahhud, lorsqu'on se relève pour la troisième raka, on lève les mains à ce moment-là aussi. Ça, c'est les quatre moments dans lesquels on lève les mains. Toutefois, maintenant, le cheikh il explique le hadith qui parle en particulier du takbir. Donc, ça, c'est ce qu'il a expliqué ici, que lorsque tu te relèves du ruku', tu dis « Sami Allahu liman hamida » et une fois debout, tu dis « Rabbana wa lakal hamd » et ensuite, il dit que tu fais ça, tu glorifies Allah subhanahu wa ta'ala lorsque tu te relèves. Puis, avant de te prosterner, ou en te prosternant, lorsque tu descends pour faire un sujoud, tu dis Allahu Akbar encore une fois. Puis, lorsque tu te relèves du sujoud, tu dis Allahu Akbar. Hein? Puis, tu le refais, tu dis Allahu Akbar dans le reste de ta prière, pour chaque mouvement, jusqu'à ce que tu termines. اي نعم اذ واذا قام من التشهد الاول في الصلاه ذات التشهدين كبر في حال قيامه. Quand tu te relèves de ton premier tashahhud, tu te relèves pour continuer ta prière, tu fais le takbir aussi en te relevant. On va s'arrêter ici pour le cours d'aujourd'hui. On expliquera la suite au prochain cours. Le cheikh il parle ensuite des divergences entre les ulama sur cette question. Donc on va parler de ça, la suite de ça on va lire au prochain cours, inshallah. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.